Maxi Sud. Eh bien bonjour, moi je m'appelle du coup Valérie Broussy. J'ai créé l'association Les Cadonomas dont je suis présidente en 2024. C'était un projet qui nous tenait à cœur avec mon époux depuis déjà pas mal d'années. Notre objectif c'était de permettre de réunir des praticiens destinés au bien-être pour avoir comme une plateforme pour différentes personnes, voilà, les accompagner de manière holistique. Moi je suis praticienne holistique et mon mari, compliqué à dire ce qu'il est lui parce que comme je dis toujours il faut venir faire une séance avec lui pour savoir, mais en fait il communique avec les âmes des gens, il arrive à rentrer en contact et avoir vraiment l'objectif et la mission de vie, ce qui fait que je me retrouve aussi un petit peu ici à organiser tout ça parce que moi qui avais tendance à rester un petit peu dans ma tanière, il m'a donné l'impulsion et le courage pour sortir et organiser ce genre d'événement. Et ce qui m'a donné envie de créer cet événement précis d'aujourd'hui, Yule. Alors bon, Yule, c'est demain, le 21, mais on va dire pour la petite histoire, au départ, ça devait se faire sur 2 jours, 20-21. On s'est dit ça va être un petit peu costaud pour une première, donc on est parti plutôt sur le 20, sachant qu'il y avait du coup le concert d'Ecoproject le soir. Donc le 23 août dernier, on a assisté au premier show de Eric Magret et de son collectif. Et là, le lendemain matin, j'ai dit à mon mari, là il y a quelque chose, vraiment il y a quelque chose qui mérite d'être un petit peu vulgarisé, qui mérite d'être vu par un plus grand nombre, pas seulement par une poignée de privilégiés comme on était. Et du coup, mon mari me dit, bon ok super, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je dis, écoute, on pourrait allier le bien-être, l'art du coup, et fêter tout ça avec Yule. Alors Yule, de base, on pourrait dire que c'est l'ancêtre de Noël, mais pas du tout. On a juste certains stigmates comme le sapin, qui est l'arbre qui survit à l'hiver, le hou, le gui, la bûche qu'on mange maintenant, mais qui à l'époque devait brûler pendant 12 heures dans la cheminée, et dans laquelle les gens mettaient des intentions, des vœux, des souhaits pour protéger leur foyer pendant toute l'année, quoi, si elle brûlait pendant 12 heures d'affilée dans la cheminée, voilà. Donc, parce que moi, j'organise des cercles de femmes, en plus de mon activité de praticienne holistique, j'organise des cercles de femmes basés sur la roue de l'année païenne. Alors, il ne faut pas entendre par païenne le côté péjoratif, religieux ou anti-religieux, justement, mais plutôt paganos, donc c'est des personnes proches de la terre, proches de la nature. Voilà, donc nos ancêtres à tous, les Celtes, les Gaulois, pardon. Les Romains, enfin voilà, toutes ces personnes qui étaient habituées vraiment à être de concert avec la Terre, sa cyclicité et toutes les choses symboliques auxquelles ils étaient reliés et que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus reliés. On est plutôt connectés à nos téléphones et on n'est plus connectés à nous-mêmes, à nos propres cycles qui sont pourtant de base liés à la nature justement et à ces cycles. Donc, de base, Yule, c'est l'intériorité, c'est la festivité aussi, c'est rentrer en soi pour démarrer cette phase d'hiver. Yule, c'est le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue. Voilà. Et ensuite revient petit à petit le soleil. Alors, chez les païens, ils disaient le dieu soleil. C'était un peu en parallèle avec la religion catholique, on va dire, la naissance de l'enfant divin, du divin enfant, voilà. Tout ça est toujours un petit peu interlié, on va dire. Mais voilà, c'est pour exprimer le fait qu'après Yule, les jours commencent à rallonger, le soleil revient, l'optimisme, le retour à la vie. Alors qu'en hiver, on pourrait dire que c'est cette phase où on rentre à l'intérieur, c'est une mort symbolique. Mais une mort qui est nécessaire pour se comprendre, pour se découvrir, pour aller chercher notre lumière à l'intérieur, en fait. Puisqu'on est un peu dans une phase de ténèbres, on va dire, au niveau de tout ce qui est extérieur, au niveau de la nature. Voilà, c'est cette phase où la nature semble mourir, mais en fait, elle n'est pas morte, elle fait juste que dormir, se régénérer pour renaître à elle-même encore plus radieuse. Et les cadeaux de Noël aujourd'hui, ne sont ni plus ni moins que la nouvelle génération des cadeaux, des offrandes que justement les païens faisaient à la mère nature pour la remercier de toute sa générosité et voilà, de la mère nourricière. Donc voilà l'idée de ce festival en lien avec du coup Yule et les cercles de femmes que moi j'organise parce que je voulais permettre aux gens d'être un petit peu au courant de tout ça. Je trouve ça intéressant, la Terre va mal aujourd'hui mais parce que les humains vont mal. Et si petit à petit les gens réapprenaient à se reconnecter à eux et à se reconnecter à la Terre, je pense que déjà il y a un équilibre qui pourrait être retrouvé tout naturellement, sans forcément avoir des grandes idéologies. Voilà. Et l'objectif aussi était du coup de faire connaître EcoProject et de vulgariser un petit peu le bien-être, toutes les médecines alternatives, parallèles, douces, non-intrusives et voilà. Donc, et nous, notre centre holistique, du coup, est basé sur Mirandole Brugnonac. On a tout un collectif avec des praticiens, du coup, qui sont amenés à participer à des journées, à des séminaires, toujours liés au bien-être.